Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 4 au 10 octobre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va s'écouter un top 20 francophone et un top 20 anglophone de la musique préférée des animateurs de C'est fou. Il y en a beaucoup des chansons, un total de 40 environ. On a 4 nouvelles entrées cette semaine, on parle de Jésus les filles, Winter Sleep et Melly Grove Band, mais on va débuter l'émission avec la 20e position francophone. Voici les gagnants des Mardis de la Relève 2010, Atomic Baobab et leur premier extrait en français, Bombe Cérébrale au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Je dis que si la vie était comme ça, y'en aurait pas de problème. C'est ça que je me dis chaque matin, je regarde les fourmis sa main. Les trafic jam, il faut que ça garde. Au pied devant l'eau, bien au sourire macabre. Si tout le monde était comme toi, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais me rappeler de la dernière fois que j'ai croisé sa main. Il me dit, il fait chaud, la veille, y'a tout le monde qui se court. On veut rester toute la journée. We'll be right back.

won't be convinced of it. Le bloc des nouvelles entrées de cette semaine, au palmarès c'est fou, on vient d'entendre Winter Sleep avec New Inheritors, nouvelle entrée en 19e place, et sur leur album New Interiors, du même nom donc. Avant ça, en 19e franco, c'était Jésus et Filles avec On Verra, le premier extrait de leur album Une Belle Table. En 20e anglophone, on a entendu le Melly Grove Band avec Ghosts at My Back sur leur CD Shimmering Lights. On a débuté avec les gagnants des Mars de la Relève 2010, Atomic Baobab, et leur premier extrait en français, Bombe Cérébrale. Oh, tout ça va monter tranquillement, pas vite, ça va faire son bout de chemin. Ça va se ramasser au sommet. C'est le fun d'avoir des petits bébés naissants, genre, mais musicaux. Hein? Ouais. Et on va sauter par-dessus les 18e places du côté anglo, c'est Devil's Hot Rod avec Bopin' 4 qui est là depuis 9 semaines. Ça descend d'une place. Alors que du côté franco, c'est 354 Barry avec Soviet Cosmonaut qui est là depuis 7 semaines et qui descend de la 7e place. On va aller directement au 17e, donc du côté anglophone, Rocky Erickson avec Oklahoma River. Mais on commence avec les frères Goyette. Voici La Balle est dans mon camp qui monte d'une place. C'est fou. 89 FM. Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur attaque, leur remède. Mon maigre butin, une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Hold up à la coop, le voleur a pris la porte. Je fixe mon tiroir caisse. Je fus dans la mer, j'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi qui mène une vie avec des balles à blanc. J'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour, me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le tas. Dans mon corps. numéro 17. Rocky Erickson et Okkervil River avec la pièce John Lawman. Ça descend d'une place. On l'a sauté plusieurs fois dans les dernières semaines, mais là, on l'a fait jouer une fois de temps en temps. Sur l'album True Love, Cast Out All Evil, ça fait 6 semaines que c'est là. Avant, du côté franco, c'était les frères Goyette avec La Balle dans mon camp. Ça monte d'une place et c'était nouveau la semaine passée. C'est sur leur tout nouvel album, Rencontre du Troisième Âge. Comment les oublier? Car, les frères Goyette. On est rendu au 16e, on va les sauter. Du côté anglo, c'était Soilwork avec Night Comes Clean qui descend de 10 places, 7e semaine de présence. Alors qu'en francophone, c'est les Vulgaires Machins, ça j'allais dire tantôt, avec le mythe de la démocratie qui monte aussi de 10 places et qui sont aussi là depuis 7 semaines. Deux pièces qui se suivent en ce moment. On va aller au 15e position. Du côté anglo, c'est The Gaslight Anthem avec Orphans qui monte de 5 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais on commence avec The Mockingbirds. Ça aussi, ça monte de 5. Et ça aussi, c'est nouveau la semaine passée. Quel hasard. Voici Lève le son au 89.1 FM. C'est la radio Campus de Trois-Rivières. Et restez avec nous parce que plus tard, Stéphanie Gagné s'en vient. Et elle va avoir sa chronique Guess What sur les nouvelles artistiques et culturelles. sur moi une vieille tune psychédélique. Fais-la jouer à l'envers et retour Tokyo Police Club, Weezer et Carquois dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Well, I have given you the fire of my youth and the triumph of my enemy. The Gaslight Anthem et Orphans, position numéro 15, ça monte de 5 places et c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, on a entendu The Mockingbirds avec Lève le son, ça aussi, ça monte de 5. Ça aussi, c'était nouveau la semaine passée, mais ce n'est plus là. Non, ça a monté, c'est bien, ça a levé, comme le nom de la chanson finalement. Hein. Plus tard dans l'émission, on a Yann Perrault, on a Kalun Saloon, Danny Placard, Iron Maiden of Montreal, Parcel of Vassal, plein de bonnes affaires. Mais dans le bloc qu'on va entendre tout de suite, il y a Tokyo Police Club avec Bambi qui monte de 5 places, c'était nouveau la semaine passée. Et on commence avec Carquois qui descend beaucoup de 11 places. Voici pour la 8e semaine, l'Acouphène sur C'est Fou 89.1 FN. FN. Acouphène, sérieusement? Chambre à gaz, la folie, des images qui passent sur mon lit, coulent des couleurs de mon écho. J'écris sans faire de détour, plus j'envie la lumière du jour. Des vagues dans le cou. Mais la couffaine, la bille qui roule dans mon crâne, la couffaine me laisse en arrière. I should cover your eyes. Wow! Tokyo Police Club avec Bambi, position numéro 14, ça monte de 5 places. Et j'oublie tout le temps comment elle est bonne cette pièce-là. Faudrait la faire jouer à Assemblage Rocky lundi au jeudi, 7h à 9h. avant, c'était... Je me fais tellement pas rire non plus. Carquois, en 14e francophone avec L'Acouphène, ça descend de la 5e place, 8e semaine de présence. Ça descend un petit peu et à un moment donné, ça va quitter. C'est comme ça, ça arrive. Ça arrive, des choses comme ça. On est rendu aux positions numéro 13. Je vous rappelle que plus tard dans l'émission, Stéphanie Gagné, ma co-animatrice, s'en revient et elle va nous faire son petit bloc de nouvelles artistiques et culturelles qui s'appelle Guess What? Il va falloir que vous deviniez les nouvelles à l'avance, comme un jeu. Non, c'est pas un jeu du tout. Non, c'est juste que ça a l'air d'une question, mais ça n'en est pas une. Bref, allons aux 13e position. Du côté anglophone, c'est Weezer avec Rolling Me qui monte d'une place. Mais avant ça, voici JP Dalpé et Mauvaise Track sur C'est Fou. 89 FM. Ouais. Guess What? Point d'interrogation. Depuis le temps que tu veux. Depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux, prêt pour prêt on y va. Le chemin du rêve selon les règles de l'art. J'ai bien peur qu'il ne mène plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond, les rêves en étoiles criblés de plomb. Mauvaise track, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. L'argent nous liquide, je suis Buffalo Bill, Billy le Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. Numéro 13. Weezer et Ruling Me, position numéro 13, ça monte d'une place. Avant ça, c'était JP Dalpé, oui, avec un mauvais track qui monte de 3 sur l'album Les Préliminaires. On est rendu aux 12e position. On a le temps encore pour donc deux pièces avant de terminer cette première heure des Palmarès assez fous. On va entendre Apostle of Hustle du côté anglo avec Easy Speaks, ça monte d'une place. Mais à l'instant, on écoute Yann Perrault avec Le Bruit des Bottes qui monte de 2 dans les Palmarès assez fous. Un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. La meilleure, choisie par les animateurs de C'est Fou. Hein? 89.fm. Tout aussi simple que ça. C'est évident. Hein? Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. N'attendent qu'à raisonner, reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Numéro 12. Crazy Speaks de Passo La Vassal en position numéro 12, ça monte d'une place. Avant ça, c'était Yann Perrault avec Le Bruit des Bottes qui monte de deux places. Ça fait 4 semaines que c'est là sur l'album Un Serpent sous les Fleurs. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou, mais on se retrouve tout à l'heure avec une deuxième. Et on va entendre là-dedans Iron Maiden of Montreal, Buddy McNeil, Crystal Castles, Sonny Duval, Calhoun Saloon et Danny Placard. Alors restez avec nous! Bon, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 4 au 10 octobre 2010. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on commence avec les positions numéro 11. On est presque déjà rendu à la moitié de nos palmarès, n'est-ce pas incroyable? Du côté anglophone, on va avoir Coquette de Of Montreal qui monte d'une place. Mais avant ça, voici Calhoun Saloon qui monte de 8 avec Laisse-moi donc rentrer sur C'est Fou. 89 FM. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter. Le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! Laisse-moi rentrer maintenant que je suis là. Tu m'as pas vu la face depuis des mois. Hey, hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'es parti, tu m'as laissé le ménage et puis les petits en me disant que je l'avais mérité. Oui, non, bébé! Oh, laisse-moi rentrer, j'ai deux mots à dire. Puis dis à ton chum que pas fini de m'haïr. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'aurais-tu peur de me laisser rentrer? T'as-tu la chienne voir arriver? Serais-tu en train? Parce que je suis rendu chez vous, je suis un peu saoul, puis je vais te faire filer doux. Je vais m'étendre mon long sur ton balcon en attendant que tu pètes les plombs. Ouais, je te jure que je suis pas pressé. Laisse-moi rentrer, puis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Laisse-moi donc rentrer. Partout, j'étais pas capable de rester mou. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter. Enfin, trouver le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu, laisse-moi donc rentrer. Oui, donc, bébé. Laisse-moi rentrer, puis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, donc, bébé. Ah, ouais, donc, bébé, laisse-moi donc rentrer. Numéro 11. We'll be right back. typical. Oh my cookhead, you're Herculean. You are so miserable. Cookhead, cookhead, you know I won't forget how you made me cry to prove I was dutiful. Oh my cookhead, my teenage lust for you is so beautiful. Montreal et Coquette, Coquette, position numéro 11, ça monte d'une place. Avant, c'était Calhoun Saloon avec Laisse-moi donc rentrer. Ça monte de 8 places et c'était nouveau la semaine passée. Vous êtes dans les palmarès Cifou, un condensé de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir. Et si vous ne savez pas encore, les palmarès Cifou, c'est plus qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est tellement plus. Pas en tout, ça fait combien? C'est 30, 50, 70, 90, 90. Hey, 93! 93 pièces dans le palmarès. C'est incroyable. Alors qu'on va faire un petit tour du top 30 des CD. Pourquoi donc pas? Il y a une nouvelle entrée. Le Melly Grove Band qu'on a entendu plus tôt dans l'émission avec Shimmering Lights. Dans le top 3 maintenant, la troisième monte d'une place, The New Pornographers avec Together. En deuxième, c'est Winter Gloves avec All Red qui monte aussi d'une place. Même chose pour The Sadies, 15e semaine de présence avec Darker Circles. Dans le top 3 des disques canadiens, ça ressemble relativement au top 3 du top 30. Hein? C'est The New Pornographers, Winter Gloves et The Sadies. On fera le top 10 Loud et le top 10 électronique un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, on va retourner dans le palmarès standard pour l'entendre les positions numéro 10. En anglophone, c'est Iron Maiden avec Coming Home qui monte d'une. Voici tout de suite pour commencer Sonny Duval et Bikini qui monte de 5. J'ai vu Kiki numéro 10. We'll be right back. Iron Maiden avec Coming Home. Et ah. Oui, je suis là. Bonjour. Ouais. Tu viens d'arriver à la maison, toi aussi. Coming Home, tu sais. Ouais, je viens d'arriver. Super. Bonjour. En passant. Bonjour Mathieu. Avant ça, c'était Signe Duval avec Bikini qui monte de 5 places, 3e semaine de présence. L'album s'appelle Saint-Noir, Saint-Blanc. Et là, c'est vrai, on est rendu dans la deuxième moitié des palmarès, c'est fou. Et tout à l'heure, Stéphanie, que tu viens d'arriver en plus, mais éventuellement, oui. Tu vas faire ta chronique Guess What? Oui, absolument. Il y a beaucoup de nouvelles, des nouvelles très cool concernant entre autres Carquois, Tegan and Sarah, Colorado. Ouh! Ouais, des belles nouvelles. Ça va être bon. On a aussi notre segment favori. En tout cas, moi, je l'adore. Là. Je dirais pas que c'est mon préféré parce que je Instant classique. C'est un instant classique. Les moments préférés d'assemblage requis de la semaine. Ça s'en vient très, très bientôt, ça. Mais avant, on écoute les positions numéro 9. Du côté anglo, c'est Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Help Me Mama. Et côté francophone, Danny Placard avec Madame Lou. Sur C'est Fou. 89 FM. Ouais. C'est parce que ça fait toujours mieux quand que je dis Madame Lou, puis tu sais, on entend le début de la chanson. Ok. Attends, veux-tu qu'on recommence? Ok. Qu'est-ce qu'on va entendre? On va l'entendre Danny Placard avec Madame Lou. Merci Mathieu. Ça fait plaisir! Yeah! Whoopi! Tu fais ce métier là depuis 35 ans. J'en ai connu aucune qui joue avec l'amour autant. Comment tu fais pour te virer de bord rien que de temps en temps? Une heure pensée avec toi, puis tout part en coup de vent. Tu finis par prendre racine au coin d'une rue. Et puis tu fais toujours semblant. Ça fait un goût de parler de côté tes rêves d'enfant.

retour, Crystal Castles, Mister Valère et le Husky dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est fou. 89.1. Numéro 8. Crystal Castles avec Empathy, 8e position côté anglophone. Alors ça, du côté franco, c'était les Martiens avec TV Brain qui monte de 4 places sur leur album que je pense que j'ai jamais nommé en ondes. Top Model, Boomers et Copper Tone. Très cool. C'est vraiment bien. C'est un maxi en passant. Seulement 4 pièces là-dessus pour les Martiens. On est rendu aux positions numéro 7. Tout à l'heure, Stéphanie va avoir son petit bloc de nouvelles avec un paquet de choses intéressantes. C'est Guess What? Oui, entre 4h et 5h, on va avoir ça. Oh, from 4 to 5! Yes, sir! Thank you very much! Septième position anglophone, c'est Danko Jones avec I Can't Handle Moderation qui monte de deux places. Côté francophone, on va aller écouter Dialogue de Le Husky avec Fanny Bloom. Ça monte de trois positions. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Écoutez. Deux portes de cigarettes dans un café, quoi, Marianne et Marquette. Pourtant c'est facile, j'ai juste à oublier tout le monde. Me foutre de tout, me foutre de toi, courir droit devant moi. Ah. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues les papillons. On mange du vin pour souper, on mange du ciment. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chansons fermées comme des cales de navire, perdus comme des cochons, tirelés des éraflés du siècle en devenir. Qu'est devenue la civilisation et autres petites questions que sont devenues. Can you make that stick if you even try to? Can't Handle Moderation de Danko Jones. Septième position, ça monte de 2. Avant ça, du côté Franco Stelowski avec Dialogue featuring Funny Bloom, ça monte de 3 places. Oui. Funny Bloom. On aime ça. Oui, on aime beaucoup ça. On apprécie énormément, je vous dirais. Oui. On va entendre les positions numéro 6 à l'instant du côté anglophone. C'est Rara Riot avec Boy qui monte de 1. Joie dans mon cœur. Côté francophone, c'est Cavale de Chantal Archambault qui monte de 5 positions, numéro 6. Et c'est par le fait même ce qui joue là. Là, regarde. Chantal Archambault. T'aurais pas mal assez fou. C'est fou, 89.1 FM. Riot avec Boy de leur nouvel album The Orchard. C'est en 6e position. Je te dis que ça fait effet cette pièce-là. Hein? Oui, je l'aime beaucoup. Oui. Avant ça, en 6e franco, c'était Chantal Archambault avec Caval qui monte de la 11e place sur l'album La Romance des Couteaux. C'est la fin de la 2e heure des Palmarès. C'est fou, on va se retrouver tantôt avec une 3e heure et plein de bons artistes. Oui, c'est vraiment, ça fit vraiment parfaitement. Il va rester les nouvelles et le top 5 de chaque côté pour la dernière heure. Alors, restez avec nous, c'est les Palmarès, c'est fou! Troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 4 au 10 octobre 2010. Salut Stéphanie Gagné. Salut Mathieu Plante. Salut les palmiers. Donc, dernière heure des Palmarès. Il nous reste le top 5 de chaque côté. Oui, il nous reste plein de bonnes choses. On va avoir quoi tantôt? La Patère Rose, Radio-Radio, Ex-Nevsky, Alexandre Billiard, Winter Gloves, New Pornographer. Ça n'arrête plus. La liste est longue, elle est longue, elle est longue. On se demande est-ce que ça va rentrer dans cette troisième heure. Ah, absolument, je suis certaine. C'est sûr. On a aussi les nouvelles. Oui, les nouvelles, ça s'en vient bientôt. Super. Super? Ah, mettons, après les numéros 5. Ah, bonne idée. Ben, numéro 5 anglophone, c'est Mister Valère avec Brandon Marlowe qui descend de la position numéro 1 la semaine passée. Ouais. À peu près, hein? À peu près, ouais. À peu près. Donc, on sait qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. Ouais. Un nouveau numéro 1 francophone aussi. Ah oui, mais c'est pas tout de suite qu'on va le savoir, ça. Non. Côté francophone, on va tout de suite aller écouter Olinéa avec la pièce Métronome qui monte de 3 positions. Vous êtes assez fous, 89 FM. Comme si je l'avais dessiné, j'ai pris le temps pour ralentir la fin du compte. Qu'on veut continuer de croire, j'ai cru que j'en ai échappé à mon destin bien annoncé. Stopper le métronome, stopper pour la défier. Stop. Le prochain round est crucial pour allonger la saison. 5. Mister Valeur avec Brandon Marlowe qui baisse de 4 positions. C'était notre numéro 1 la semaine dernière. Avant ça, du côté franco, c'était Olivia avec Métronome qui monte de 3 places. Et sur l'album La Bête de l'Homme. Vous êtes dans les panneaux assez fous, qu'on lance la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Maintenant, c'est le moment de parler de nouvelles artistiques et culturelles. Voici Stéphanie Gagné et Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Guess what? Devinez quoi? Il se passe plein de choses. Tellement la meilleure intro. J'aime tellement cette chanson-là. C'est cool. Bref, oui, plein de bonnes nouvelles et de moins bonnes. Mais on va commencer avec une très bonne nouvelle pour Carquois. Depuis leur victoire au Gala Polaris, qui était le 20 septembre dernier, les ventes de leur dernier album, Les Chemins de Verre, ont augmenté de 481%. Wow! C'est vraiment énorme, mais c'est pas tout. Ils se sont retrouvés aussi dans le top 5 des ventes d'iTunes pendant la semaine suivant leur victoire. Et c'était une hausse de 1200% sur iTunes. Ça n'a même pas de sens. Tu sais, c'était populaire avant, Carquois, mais au Québec. Ouais, c'est ça. Peut-être pas ailleurs au Canada. Et là, c'est parti pour la gloire, cette affaire-là. Absolument. C'est vraiment cool pour eux autres. Ensuite de ça, il y a Belle & Sebastian qui ont un nouveau concours. Dans le fond, leur nouvel album, Belle & Sebastian Write About Love, sort la semaine prochaine. Et dans chaque album, il va y avoir un code qui permet de participer au concours. Dans le fond, il faut écrire environ 300 mots sur le mot « love ». Peu importe son sens. Okay. Peu importe. Dans le fond, c'est à votre choix. Puis ensuite, si vous êtes choisi, Stuart Murdoch du groupe Belle & Sebastian va venir passer un après-midi avec vous pour ensuite écrire une chanson à propos de vous. Ah, c'est cute! C'est vraiment cool, hein? C'est une bonne idée. C'est très drôle. Ensuite de ça, je vais essayer de pas trop en parler, mais c'est le groupe Colorado. Attends, quand même. Qui ont annoncé une nouvelle tournée nord-américaine. Malheureusement, il n'y a aucun arrêt au Québec. Les deux spectacles les plus près, c'est à Burlington, au Vermont. Mais si vous voulez pas vous en aller aux États-Unis... Vous n'avez pas le droit, peut-être. Il y en a qui n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. Puis moi, j'ai pas mon passeport, par exemple. Moi non plus. Donc, sinon, c'est à Toronto, le 16 octobre. Ils ont aussi un nouveau vidéoclip pour la pièce Americanorama. Un vidéoclip à petit budget dont je vais parler la semaine prochaine. Ah, chut! J'arrête de parler de ça. Allez pas le regarder, là, parce que sinon, tout le monde va comme se briser le punch de ta chronique, là. Ouais, je l'ai déjà mis sur mon Facebook. Fait qu'il est trop tard. Stéphanie, outrage. C'est pas grave. Ensuite de ça, The Sadies vont sortir un nouveau maxi live qui va être disponible sûrement en version digitale. Ça va s'intituler The Sadies iTunes Live from Toronto. C'est tout. Ça a l'air bon, ça? Oui. J'aime ensuite, You Say Party retourne en studio pour la première fois depuis le décès de leur drummer Devin Clifford. Ils ont écrit 6 chansons et veulent en écrire 6 autres avant de discuter d'une possibilité d'un autre album. Ils savent pas s'ils vont faire un album ou un maxi ou peu importe. Ils veulent attendre un peu. Prochaine nouvelle, très drôle. Tu sais, on parlait de douchebag la semaine dernière avec François. Oui, François le douchebag par excellence. Tu veux un exemple? Eh bien, j'ai vu ça sur Le Voir. Il va y avoir une soirée intitulée Douchebag. C'est Gabroy et Pelep, connus sur le web pour On n'est pas des douchebags. Excellente chanson, ouais. Qui vont être au bar Le Saloon de Sherbrooke le 8 octobre à 21h30, donc demain. Et sur Le Voir, ça mentionne le teint orangé et le look de clubber sont de circonstance. J'adore! C'est horrible! C'est super! C'est vraiment pas cool, en ce cas. Va pas là en te pointant avec un costume de hipster, par exemple, tu vas te faire fesser les bines. Ah, c'est clair! Un autre vidéoclip, mais cette fois-ci, c'est pour le groupe Tame Impala pour la pièce Lucidity. Ça, c'est vraiment hot aussi comme vidéoclip. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une caméra avec un ballon. Ils ont envoyé ça dans les airs. Mais là, c'est parce que la caméra s'est rendue vraiment loin, là. Tu sais, tu vois toute la Terre, là. T'es au-dessus des nuages, là. Puis là, on voit le soleil, tout ça. C'est vraiment très, très cool. Puis après ça, le ballon explose. On voit la chute de la caméra à environ quasiment une centaine de kilomètres à l'heure et tomber au sol avec son parachute. Cool. Ouais, c'est juste ça, tout le clip. Ben, tu m'enverras le lien. On va mettre ça sur assemblagerockey.com. Good. Et avant-dernière nouvelle que j'ai bien aimée quand j'ai vu ça, C'est dans la prochaine édition du magazine Billboard. La série Glee va dépasser les Beatles. Ils vont avoir inscrit plus de chansons au Hot 100 que les Beatles. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable parce que Glee, ça fait juste une saison et trois épisodes. Ouais. Là. Mais au nombre de chansons qu'ils font par épisode et puis au nombre de CD qui sortent, à chaque fois qu'ils sont capables de remplir le 1h, quoi, 14 minutes de musique qu'ils peuvent mettre sur un CD, schlac, ils en partent un. Ah ouais, donc, voilà. On imprime un autre. Ah ouais, on Mais graveur. C'est génial, ben ça marche. Ben oui. Donc, c'est ça, dans l'édition du magazine Billboard du 16 octobre, il va y avoir 6 nouvelles pièces de Glee qui vont être inscrites au Hot 100. Et c'est ça, au total, il y a 75 pièces qui vont avoir été inscrites à ce palmarès-là. Et les Beatles en ont inscrit 71. Mais datant d'aujourd'hui, c'est Elvis Presley qui mène avec 108 titres. Ensuite, James Brown avec 91. Ensuite, troisième position, Glee. Ensuite, Ray Charles et Aretha Franklin. Alors, c'est très cool. Glee a vendu 2,8 millions d'albums aux États-Unis seulement. Wow! Ouais. C'est assez impressionnant. Tu sais, c'est pas que leur musique est mauvaise, là. Puis, toi et moi, on est des fans de Glee. Là. Oui, absolument. On s'entend que ça rend pas nécessairement complètement la justice aux pièces originales, tu sais. Puis les gens pensent que c'est des chansons originales créées par, genre, un auteur de Glee, tu sais. Non, c'est ça. Ils reprennent des chansons qu'on connaît toutes déjà puis qui ont déjà fait des hits, là. Il y a des chansons qui sont inconnues par la plupart des gens qui écoutent Glee, tu sais. Puis ils pensent qu'il y en a des originales. Non, il y en a zéro chanson originale dans Glee. À part la petite qui fait Glee, genre au début, là, quand. Genre résumé des épisodes précédents. Glee! Ouais, c'est ça. C'est tout. Ça doit pas être une reprise, ça. Non, ça, je veux pas. Pas sûr. Donc, c'est ça. C'est une très bonne nouvelle pour Glee. Et la dernière nouvelle, semi-bonne, semi-triste pour moi, c'est Tegan et Sarah qui vont sortir un nouveau DVD. Tegan et Sarah qui sortent tout le temps plein de choses. Ils viennent de sortir un coffret de vinyle. Et là, c'est un nouveau DVD qu'ils veulent sortir avant le printemps avec des extraits de spectacles d'Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande et de l'Inde. Il va y avoir des performances acoustiques, aussi des performances dans des gigantesques stades. Et malheureusement, Tegan et Sarah, la raison pourquoi ils veulent sortir ça avant le printemps, c'est qu'ils vont prendre un temps d'arrêt. Ah! Oui, ils vont prendre un temps d'arrêt à ce moment-là, après avoir tourné pendant un an et demi pour promouvoir le dernier album Sainthood. Mais bon, je vais espérer qu'ils prennent un temps d'arrêt pour écrire pour un autre album. Ben oui, on l'espère. Oui, mais d'après moi, ça sortira pas l'année prochaine. C'est encore un peu trop tôt. Patience. Peut-être 2012. Il n'est pas super long en plus cet album-là. Il faut que tu joues la collection complète en boucle pour avoir. Oui, puis en plus, je l'ai aimé, Sainthood, mais c'est pas The Con. The Con, c'est le meilleur album au monde. Mais c'est pas encore tapé l'album ni la collection complète. Ah, il manque quelque chose. Je sais. C'est tellement bon. Je suis pas sage. On va d'ailleurs en entendre une pièce de Tegan and Sarah pour terminer ta chronique Guess What. De leur dernier album, Sainthood, laquelle t'as choisi finalement, The Cure ou The Ocean? The Cure, très bonne pièce. Le temps est pas l'arrêt, c'est fou au 89.5. I need it to, and oh, I

Madcaps avec la pièce Just Like Your Mother Made It. C'est drôle, hein? C'est pas sur le palmarès, c'est nécessairement. J'ai mis celle-là pour varier, pour faire changement. Oui, exactement. C'est pas nécessairement la bonne, mais celle qui est sur le palmarès, c'est Everywhere I Go et ça monte d'une place. On l'entend quand même souvent, c'est fou, on sait quoi. Oui, et avant, on a entendu Alexandre Béliard avec la pièce Jack qui reste stable. Mes erreurs sont quand même événementielles, ils arrivent moins souvent qu'avant. Mais on les note, on les reconnaît. Et là, on s'en vient dans un morceau de l'émission qui est assez prometteur. Oui, il goûte très très bon. Hein? Du côté anglophone, on va entendre The New Pornographers en troisième position avec Silver Jenny Dollar, ça monte d'une place. Et côté francophone, La Patère Rose avec Chocolat de l'album White Kiki. Leur maxi qui n'est plus numéro 1. Alors, on a un nouveau numéro 1 côté francophone aussi. Et qu'est-ce que c'est? Mais on se rend compte. Reste à voir. C'est ça, garde des surprises. Fait que Chocolat. Ouais, mais. Fasse pas ça à la table, là! C'est tellement pas plaisant non, à l'oreille. Pas du tout. We'll be right back. we're only ever passing through. Cartilage and sinew was the name of our act, and it's true, you noticed, it's all I can do. In a world that's beaten everything black and blue, they had a silver Jenny dollar. Silver Jenny dollar. Silver Jenny dollar. The winter's over, the war is over. A parcel of landmen ask them, it's true, they love you. The New Pornographers avec Silver Jenny Dollar. Troisième position, ça monte de 1. Avant ça, on a entendu l'ancien numéro 1, la pâte à rose avec chocolat de leur maxi Waikiki. Oui, c'est excellent. Oh, qu'on aime donc. Est-ce que tu as entendu? Ouais, tu l'as entendu, c'est sûr. La version Country Beach, là, tu me disais que tu l'aimais pas tant que ça. Elle est super bonne. Ouais, c'est super bon, mais c'est pas comme leur album. Oui, mais tu sais, tant qu'à faire une version, c'est aussi bien de la faire vraiment différente. Moi, je suis pas très, très ukulélé, toute la kit. OK. Je trippe moins. OK. Bon, ben, t'as le droit. C'est correct, ça. J'ai le droit, en effet. Ben, oui. Vous êtes au premier assez fou. Ben, c'est le fun de confirmer que t'as le droit. Oui. C'est vrai. Les numéros 2. Numéro 2. Du côté anglophone, on va entendre Winter Gloves tantôt avec Plastic Slides. Ça monte d'une place. Mais on commence avec un chouchou. Ça s'en vient vraiment un de mes chouchous. Alex Nevsky avec Notre Cœur qui monte de une place. Et tantôt, ça va être nos premières positions. J'ai encore plus haut. Oh, cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part. Numéro 2. Gloves avec Plastic Slides qui est au numéro 2, ça monte de une place. Alors que du côté franco, c'est Alex Nevsky qui est en deuxième avec Notre Cœur, ça monte d'une place et c'est sa sixième semaine de présence. Bientôt le sommet pour Alex Nevsky, hein? Malheureusement. Malheureusement. Ah, on va vouloir une autre chanson. Sous les stroboscopes. Ah, ok, ben là, attends que celle-là elle monte au sommet, puis laisse-y son temps sous le soleil des tropiques, là. Hein? Hein? Sous le soleil. C'est quoi ça, là, ce téléroman, là, déjà? Qu'une idée. Saint-Tropez sous le soleil, je pense. T'es cœur. Ah! On est rendu au top 10 loud. On va juste en parler un petit peu parce qu'on a parlé du top 30 des CD du top 3 canadien tantôt. On va faire le top 10 électronique à la fin de l'émission. Mais là, le top 10 loud, il n'y a aucune nouvelle entrée. En troisième position, on trouve Soilworks Stable avec The Panic Broadcast. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Blind Guardian avec At the Edge of Time. Et la position numéro 1... Hein? Numéro 1, Cataclysme avec Heaven's Venom. Wow! Wow! Wow! Est-ce que t'as des jeux de mots plates pour les numéros 1, Mathieu? Merci de me dire qu'ils sont plates, premièrement. Ça m'encourage à vouloir les faire, hein? Allez! On se bitch aujourd'hui, on se croirait à Occupation Double. Je sais pas, je peux pas l'écouter vu que mon 900 marche pas. T'sais. Ah, ben oui, ben Vidéotron, hein, tu sais. Tu sais ce que c'est, tu sais. J'aime pas. Je m'ennuie de Cogeco. Tout le monde chiale contre Vidéotron sans avoir aucun argument. Mais Vidéotron, c'est safe, Vidéotron. Là. Non, hein? Moi, j'aimais beaucoup mieux Cogeco. Québécois, oui, Cogeco. Ça existe. Donc, numéro 1, du côté francophone, ben, je dirais que moi chez Cogeco, je trouve qu'ils sont tous... un peu spécial. Sont spécial. Mais sont gentils. Vous savez, sa clientèle, sont gentils. c'est bien. Mais des fois, leur service peut être spécial, leur façon de faire, t'sais. Je trouve, un peu. Ouais. Mais tu sais, dans ma tête, j'ai que des mots, des jeux de mots sur Rythme FM, mais j'ose pas les faire, ça. À cause de Radio-Radio, ça. Rythme FM, tu sais. Je pourrais faire, je pourrais dire plein de choses, mais je le ferai pas, ça. Du coup, pas parce que je veux être fin avec eux autres, là, parce que eux autres nous bitchent pas, on les bitchera pas non plus, ça. Du coup, le fun, ben c'est ça. Je trouve que ça me rend triste d'entendre Rythme FM quand je l'entends. Okay. Ça va être ça. Je pense que je m'acharne un petit peu sur Rythme FM. Vraiment? Fait que j'arrête ici. Alors, allons-y. Allons écouter nos numéros 1. Puis on révèle les jeux de mots après? Oui. Vous êtes assez fous. C'est des palmarès. C'est fou. Laissons parler la musique, hein? Moi, je suis un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Nakimo, Nakishego, Akistin Fima, vraiment discuté. Si t'as vu drôle pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a une prescription pleine de Ritalin, halogène ou Valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciales. Hello, si t'es au multitask, il faut que tu pick up le check. Avec une face comme ce set, au moins ma mère trouve que je suis cute. À même ramener si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, wesh, pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, c'est ça que je t'ai invité. Ma qui moi je suis pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre yen, pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois est pas vraiment là. Ma échec, tu sais, parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, je t'aime jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute, ma jeune enfant de l'état. Ma qui moi je suis pour dire tout ça, c'est vrai. Des gens fous comme des balles, pis j'avons point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back Sicilien. J'ai dit fun, ça fait 3 heures que j'marche partout mes pieds. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Ouais, j'suis un singe, j'suis un roi, j'suis un coureur de bois, j'suis un capitaine de bateau, j'suis Jésus sur la croix. J'suis un homme, j'suis une femme, j'suis un grand pépin bébé. J'suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. J'suis un million d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a rejeté à l'ensoleil. J'suis un pauvre, j'suis un riche, j'suis un coucher d'une caniche. J'suis un clean cut, prépa hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi j'suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et j'jump d'une planète à l'autre, toujours en train de me moquer. De l'énergie qui déborde, moi j'vais me laisser m'emporter. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, j'suis un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, toi t'es un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, moi j'suis un enfant spécial. Moi j'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi j'suis, toi t'es un enfant spécial. Et en première position. Yeah, Voilà, c'était les positions numéro 1 des palmarès de C'est fou cette semaine. Mais avant de dire les numéros 1, petit récapitulatif. Du côté anglophone, en 5e, on trouve Mr. Valère avec Brandon Marlowe dans ses numéro 1. En 4e, Madcaps avec Everywhere I Go. En 3e, The New Pornographers avec Silver Jelly Dollar. En 2e, Winter Gloves avec Plastic Slides. Et en 1ère, c'est The Sadies avec Another Day Again. Et du côté francophone, numéro 5, Olinéa avec Métronome. Numéro 4, Alexandre Béliard avec Jack qui reste stable. Numéro 3, La Patère Rose avec Chocolove. Numéro 2, Notre cœur d'Alex Nevsky. Et numéro 1, Enfant spécial de Radio Radio. Voilà pour les palmarès, c'est fou de la semaine du 4 au 10 octobre 2010. Stéphanie reste avec les auditeurs du jeudi pour l'émission Une pêche en émission. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Ça va être une émission quand même assez tranquille, mais ô combien bonne. Il va y avoir Arcade Fire, Vincent Vallière, Franz Ferdinand, Radio Radio, plein de bonnes choses. Cool, c'était Une pêche en mission et ça se passe jeudi, juste après nous, à 17h. On rappelle mercredi à 15h. Les auditeurs du vendredi nous quittent pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer qui vont commencer à 20h. Alors, restez là pour ça. Moi, je vous retrouve à Assemblage Requis. Ça va être mardi. On a un congé lundi. Donc, mardi à 7h. On va se quitter avec un extrait du palmarès électronique. Je vous parle un petit peu du top 2 parce qu'on va entendre la troisième position. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1 de Yage avec Love is a Weapon. Et en première place, c'est la nouvelle entrée de Uncle avec The Answer EP. On parle d'album, évidemment. Donc, on va se quitter avec une pièce du numéro 3. C'est l'album It Takes a Thief de Thievery Corporation. Et on écoute l'extrait. Lebanese Blonde de ce duo américain. Et puis en passant, c'est rare pour une pièce électronique qu'on fait jouer dans les palmarès, c'est fou, mais il y a des paroles dessus. Ah! Mon Dieu! À la semaine prochaine, Stéphanie, bonne émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et au revoir, les palmiers. Ah, ça a l'air de la musique de palmiers, justement. Pas en tout, hein? Non, de désert. Désert. Il n'y a pas des palmiers dans le désert? Non.